Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler sur un petit bout de temps qu'on n'y a pas parlé. On va parler avec notre collaborateur Joe Hardy. Salut Joe. Salut, ça va bien, ça va bien. Joe, tu dois pas être content de voir le Canadien bien figuré comme ça? Non, je suis pas anti-Canadien. Je n'ai pas d'équipe en particulier, mais non. J'écoutais ce midi justement. C'est rare, j'écoute les nouvelles en français. Puis je suis arrivé ce midi quand il disait l'extraordinaire début du Canadien. J'essaie de trouver où ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. Là. Ils ont une game de jouer. Là. Ouais, mais c'est quand même meilleur. Ben, c'est quand même meilleur que l'année passée. Rappelle-toi au mois de novembre. Oh, ouais. Rappelle-toi au mois de novembre. Pas un mauvais début de saison, là, mais il faut regarder un peu qui ont joué et où ils ont joué. T'sais, à part d'avoir battu Pittsburgh, là, ils ont pogné Détroit qui n'avait aucune victoire. Ils ont pogné Saint-Louis qui avait une victoire. Ce qu'il faut regarder, c'est pas juste le Canadien. Là. Regardons dans un classement de dans une ligue de hockey, que ce soit la ligue que ça voudra, ce qu'il faut regarder, c'est les buts pour, les buts contre. Les, okay. Les Canadiens, exemple, ils ont 27 buts pour, 21 contre. OK? Sur 26, ils sont plus 6. Mais c'est pour ça que Julien n'est pas si content que ça. Sur les 27 buts pour, ils ont deux games, une de 7 et une de 5. Mm. OK? Contre Pittsburgh, ils ont gagné 5-1 ou quelque chose de même, puis 7-1 contre Detroit. C'est 12 buts. 27 moins 12, ils tombent à 15 buts pour. Les buts contre, ils se sont pas fait développer nulle part aux Canadiens. Ils ont 21 buts contre. Ouais. Ils sont moins 6. Alors, regarde les équipes qui sont moins. Exemple, Toronto, pourquoi tu penses que Babcock n'est pas content? Ils ont 34-30. Ils ont donné 30 buts depuis le début. Puis ils ont compté 34 buts. Tout le monde dit qu'ils comptent un paquet de buts. Ils comptent un paquet de buts, mais ils en donnent un paquet de buts. Puis les Canadiens, à part des deux games qui ont compté beaucoup de buts, elles sont 15-21. Ouais. C'est pas bon, là. Non. C'est ça qu'il faut regarder, parce que, tu sais, l'extraordinaire début de saison, il y a 8 games de jouer. Là. Non, mais par contre, c'est pas un mauvais début de saison, puis tu sais très bien comme moi que l'année passée, à pareille date, c'était déjà fini. Fait que, bon, non, il y avait un 6-1, là. Pas ouais, mais on là. Savait, ouais, mais on savait c'était bien que... Il y a 2 ans, il y avait un excellent début de saison, puis ils ont fait patate, là. Tu sais, moi, j'ai toujours appris dans le hockey que c'est pas juste dans le hockey, c'est dans course à pied, en vélo, n'importe quoi. Je sais pas comment tu commences, ce qui est important, c'est comment tu finis. Là. Mais il s'est rendu avec 32 équipes. Tu sais très bien comme moi, c'est très dur faire les séries. Puis c'est des séries avant les séries, en réalité. Là. Ah, ben écoute, tous les matchs, c'est des gros matchs. Là, c'est parce que ça revient toujours au même principe. Là. C'est un gardien de but. Je prends l'exemple hier, à un moment donné, j'ai pas vu le match, parce que je regardais la série mondiale, là, puis j'ai même pas regardé en reprise, mais tu sais, je regardais les lancers, tu sais, tu regardes en deuxième période, ils ont 22 shots en deuxième période, mais tu sais, il y a toutes sortes de choses qui peuvent t'amener à la victoire, puis ils disent toujours quand tu analyses ton équipe, tu n'analyses pas les défaites, faut que tu analyses tes victoires, parce que les défaites, là, 15 000, 18 000 personnes dans Baptiste qui l'analysent, ta défaite, plus les lignes ouvertes, mais ta victoire, c'est important. Où est-ce que le match s'est joué, puis je l'ai pas vu le match. Calgary a pogné 4 punitions consécutives en deuxième période. Ça change tout le tempo d'un match. Ça veut dire qu'il y a des gars qui n'ont pas joué hier en deuxième période pour Calgary, les Neal et Goodrow et n'importe qui autre là, qui tuent les punitions, ils ne tuent pas eux autres. Ça a donné du momentum. Le Canadien a eu 22 lancés. T'sais, les 22 lancés se sont joués là. J'ai pas moyen de l'avoir vu. Gallagher a eu sûrement 6 shots tout de suite là. Ça fait... Alors, c'est le genre d'analyse qu'un gars comme Julien, ou quand tu coaches, ce que tu fais, c'est ce que Babcock, j'écoutais des commentaires à Sportsnet hier, là. Babcock est dans tous ses états, là. Il sait qu'il n'y aura pas à manger de main. Ben non, mais on le sait. Mais tu sais très bien, hein, puis c'est pas d'hier qu'on disait ça. Le Toronto, on le disait avant le début de la saison, ça va lui prendre un défenseur numéro 1 et un gardien de but capable de gagner, un genre de Marc-André Fleury qui a déjà gagné. C'est ça que ça va lui prendre. On peut oublier ça, là. Mais je te dirais, moi, par contre, personnellement, que Anderson, il a fait la job l'année passée. Il était pourri au début de l'année, quand il s'est mis à bien garder les buts. C'est là que Toronto s'est replacé. Moi, je suis obligé de te dire qu'Anderson, je l'aimais plus ou moins avant, mais il m'a impressionné l'année passée, mais il est pas dans les top 5, là. Tu sais, c'est pas un gars que tu peux penser, mais ils sont capables de gagner avec lui, là. C'est juste que, tu sais, quand tu regardes ça, c'est que là, ils ont pensé, c'est des jeunes, c'est une équipe jeune, hein. Ils ont pensé qu'ils pouvaient gagner à juste scorer des buts pour pas s'occuper de la défensive. Mais il faut qu'ils apprennent à jouer des matchs serrés. Tu sais, je veux dire, ça a déjà marché avec les Oilers d'Edmonton et les Penguins de Pittsburgh, mais ce ne sera pas toujours de même. Tu sais, pour le moment donné, il faut t'empêcher votre équipe de scorer. Puis pour revenir à ce que tu me disais, le Canadien, que je dois pas être, je dois pas être content, ça me dérange pas. Mais deux, ce que je peux te répondre en même temps, c'est que quand quelqu'un vient me dire, il y a une équipe jeune, puis il travaille cette année, c'est le fun. Mais là, la question que j'aimerais te poser, moi, il était où ces gars-là l'année passée? Ils ont 16 gars l'année passée dans l'alignement. Ben, écoute, il y a des gars qui, ce qu'on dit, c'est des gars comme Galchenyuk, des gars comme Pacioretty, l'attitude. L'attitude, mais Pacioretty, il a dit quoi à un moment donné l'année passée? T'en rappelles-tu qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le système qu'on joue actuellement, les gars n'aiment pas ça. Il a dit ça dans je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Ça avait fait jaser. Et qui a raison maintenant? C'est parce que là, ils jouent, ils sont plus ce qu'ils appellent un up-tempo, qui jouent plus rapidement. Mais il l'a dit, lui, tu vas arrêter l'année passée, tout le monde a derrière de lui. Ouais. Il dit, regarde, les gars n'aiment pas ça. Moi, ce que je lève mon chapeau, c'est que Julien a changé son fusil d'épaule. Il a dit, regarde, là, c'est vrai, on va regarder ça, on va jouer différemment. Et là, hop, tempo, encore une fois, c'est des choses avec qui, des gars avec qui je jase, comme Pierre Lacroix, Pichette et compagnie. Là, hop, tempo, à un moment donné, tu te fais pogner avec ça. C'est que ça va bien quand ton gardien fait arrêt, quand le club va bien. Exemple, Toronto, les 4-5 premières games, ça, c'était beau. Parce que Toronto, il patine. Ottawa, pareil. Mais à un moment donné, là, quand tu te fais pogner deux, trois fois, si t'es un jeune, tu te fais pogner deux, trois fois, c'est quoi tu fais le prochain coup? Tu prends pas autant de chance. Fait que c'est ça la différence. Parce que si tu peux pas jouer défensif comme du monde, c'est plate à dire parce que les gens aiment quand ça score au début, mais si tu peux pas jouer défensif comme du monde, ça va faire mal tantôt, là, que ce soit Montréal, que ce soit Toronto. Okay. Tu sais, les équipes qui donnent trop de buts, on va voir dans le classement, sont en bas. Tu sais, Détroit, exemple, donne une tonne de buts. Fait que, tu sais, à quelque part, il faut que tu surveilles ça. Parce que la Ligue nationale, c'est pas Midget 3, ça, là. Tu sais, des bonnes équipes là-dedans, là. Ouais. Et les games sont pas, comme tu viens de mentionner très bien, c'est pas facile de faire des séries. Puis c'est les points, moi, je suis un peu d'accord avec ça, que les points que tu gagnes actuellement, que ce soit qui ça voudra, c'est des points que à la fin de la saison, tu les as, ces points-là. Mais il faut pas que tu partes sur des chires, là, tu sais. C'est parce que là, je regarde des équipes comme Boston, Tampa Bay, sont sur des voyages. Le Canadien n'a pas fait de voyage encore. Non, puis c'est surtout les blessures que moi je crains. Il n'y a pas grand relève, hein, du côté de. Tu sais, il n'y a pas grand profondeur, même si Charles Hudon ne joue pas, là. Moi, ça, c'est tout le monde. Tu sais, quand tu coaches, moi, je me rappelle. À un moment donné, ma deuxième année à Shawinigan, on avait une équipe fragile, puis je disais au président, quand on jasait, j'espère qu'on n'aura pas de blessés. Tu penses toujours à ça. Moi, je me rappelle aussi à Binghamton, dans la Ligue américaine, quand j'ai coaché à Binghamton, on avait une bonne équipe, mais on ne pouvait pas se permettre de perdre un de nos joueurs sur nos deux premiers trios. Là, dans on avait perdu Richard Grenier et Pierre Laganière. C'était terminé. On s'est fait éliminer en première ronde. Tu sais, à un moment donné, là, les blessures, tu peux pas rien faire contre ça, puis tu le sais jamais. Puis le problème, c'est que maintenant, c'est 82 matchs, beaucoup de voyages. Ils ont beau voyager première classe ou avoir des avions, des charters, c'est que les gars viennent fatigués. Puis c'est pas une équipe lourde de Canadiens. Pourquoi que Vegas a toffé toute l'année passée? C'est que Vegas, ils ont un gars en bas de 6 pieds qui marche saut. Le reste, c'est tout 6 pieds et plus. Ouais. Tous des gars de 200 livres sont pesants. Fait qu'à un moment donné, ça aide. Moi, là, j'avais déjà fait une analyse avec quelqu'un, un ancien joueur, justement, ben, qui est rendu gérant de toi, qui est Kenny Holland. Les 25 premières games dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine ou dans le junior majeur, les 25 premiers matchs de la saison, c'est un genre de jeu. Le deuxième 25 matchs, c'est un autre genre de game. Puis les 25 derniers, c'est là que ça se passe. Okay. Ouais. Quand tu analyses ça, c'est entièrement ça. Tu sais, les 25 premiers matchs, je parle pour un jeune comme le premier choix du Canadien, lui, les 25 premières games, s'il reste, il voit ça de même, OK, ça a bien du bon sens, c'est pas si dur que ça. Les 25 suivants, oups, le jeu a commencé de monter d'un cran. Puis les 25 derniers, là, c'est la grosse game. Là c'est rendu, tu t'en vas vers le fil d'arrivée, là. Puis c'est ça, tu sais, moi, comme le jeune Finlandais, moi, je l'ai dit à l'émission de Ron Fournier, puis je savais pas qu'il va me rappeler, je suis pas sûr qu'ils vont le garder, moi. Ben, ils vont le garder, c'est rendu basique. Quoi qu'il peut aller à Laval, il peut aller à Laval actuellement. Ouais, mais d'après moi, il faut qu'il l'envoie ou ce qui va, je sais pas le mot français, ce qui va chaîner, ce qui va bien paraître, là. Tu sais, là, dans ma tête, à moi, faut pas qu'il fasse ce qu'ils ont fait avec Galchenyuk. C'est Galchenyuk, sa dernière année junior, je pense que je t'en ai déjà parlé, il l'a pas joué, il était blessé. Je parle pas de sa dernière année au niveau de l'âge, là, au niveau du, quand il a été repêché. Ça a été sa dernière année, mais il avait pas joué de l'année. Fait qu'il aurait fallu qu'il joue une autre année junior, il était éligible. Et là, prendre de l'expérience, je regarde Suzuki, je regardais les contrats de la Ligue d'Ontario. Il est dans le top en haut. Fait que, tu sais, c'est une bonne chose. Et là, il va prendre confiance. Tu peux pas prendre confiance à jouer 12-13 minutes par game. Julien va dire ce qu'il voudra, on suit ça, là. Moi, je me rappelle surtout de Pierre-Marc Bouchard. Ouais, ça en est un exemple, là. Ouais. Tu sais, Pierre-Marc Bouchard, ça en était... C'est beaucoup plus ça, là. Pierre-Marc, dans le fond, j'écoutais Mario l'autre fois dire à l'émission de Amateurs de sport, tu sais, qu'il avait bien fait de le garder au Minnesota. Je suis pas sûr qu'ils ont bien fait. C'est pas ça que. Moi non plus. Je suis vraiment pas sûr, parce que Pierre-Marc dominait dans la Ligue du Nord du Québec. Alors, ça aurait pris une bonne année de plus, puis je suis convaincu qu'il aurait été un meilleur joueur. Tu sais, à quelque part, on sait que le champion mondial junior qui est un. Tu sais, c'est qu'il te donne confiance. Mais encore là, le Canadien, peut-être que dans leur tête, là, ça va bien, puis ils ont un bon départ. C'est peut-être ça qui va faire mal aux jeunes. C'est que, tu sais, ils se disent, OK, peut-être on va le garder, on peut le faire jouer de temps en temps. Mais si ça se met à chirer le moindrement, c'est pas lui qui va jouer le plus. Hein. À un moment donné, ils vont essayer de se fier sur les jeunes vétérans qu'ils ont. Mais Ron n'était pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que la tenue de Tkachuk a... Parce que le monde a grondé malgré tout, puis il gronde encore, de ce que j'entends. C'est Tkachuk à Ottawa, que le Canadien aurait pu repêcher. C'est un style de jeu que tu peux garder, parce qu'il est physique, c'est un gros bonhomme, puis il est pas mauvais, là, tu sais, il est extrêmement physique. Alors que le jeune, lui, c'est pas un gars physique, mais il est super bon avec la rondelle, là, tu sais. Mais à un moment donné, faut que tu joues pour être bon avec la rondelle, là. C'est quand t'embarques, là, puis là, ça va bien, quand t'embarques, tu mènes l'équipe, mène 3-1, t'as pas besoin de te tracasser, mais quand tu joues 5-6 games en ligne, que quand t'embarques, c'est 3-1 pour l'autre équipe. Là, t'embarques pas là pour jouer défensif, là, t'embarques là pour pouvoir scorer des buts. Moi, personnellement, je pense qu'il ferait une erreur, même s'il est bon. Je l'ai vu jouer une couple de fois, il est très bon. Il est très, très bon, puis ça va devenir une bonne vedette. Mais j'en reviens, tu dis, faut pas qu'on reprenne la même erreur que Galchenyuk. Galchenyuk, c'est pas le fait qu'on l'a gardé qui était la grosse erreur. C'est que le gars a perdu la carte. Toutes les rumeurs qu'on entend de gauche à droite, c'est que le gars a perdu la carte en arrivant à Montréal. Ouais, mais entre toi puis moi, là, puis Galchenyuk, moi, je me rappelle, je l'ai vu jouer au grand entraînement, je l'ai vu jouer junior, je l'ai vu jouer, là, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Défensivement, il a toujours été pourri, là. On va se dire les choses. C'est pas lui qui est le meilleur. Il était bon avec la rondelle, Galchenyuk, pour déjouer un gars. Le deuxième, ça devenait compliqué, puis le troisième, on aurait dit qu'il fermait les lumières, on savait pas où aller. Mais, c'est un bon joueur de hockey, il a un bon lancer, gros bonhomme. Mais encore une fois, tu sais, il veut dire défensivement. Moi, je me rappelle un match d'exhibition l'année passée, là, au camp d'entraînement. Il a fait une passe par en arrière à 3 contre 3 dans la surtenant. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Dans sa zone, il y a Christophe Puck devant le filet du Canadien. Sans regarder, tu sais, voyons, t'es au camp d'entraînement, t'as pas d'énervement à faire, là. Il était pas. Je sais pas, tu sais, je l'ai regardé jouer, à Arizona l'autre fois, je m'en pas que le match, quand il est revenu, c'était hier qu'il est revenu. Ouais, il est revenu hier. J'ai vu jouer deux périodes, tu sais. Il a fait un repli défensif. C'est sûr que on ne regarde pas tout le hockey de la même façon, mais je regardais ça, son repli défensif, là, je peux pas croire dans une nationale qu'il a fait un repli de même, là. C'est un 3 contre 3, il a laissé aller le gars qui était à côté de lui. C'est ce gars-là qui a ramassé la poche finalement parce que lui, il avait arrêté de patiner. Je suis certain que quelqu'un y a dû y dire, là, mais ça, là, faut que tu apprennes ça junior, ça, ce genre de hockey-là. Là. C'est pas rendu dans les nationales, à un moment donné, il est trop tard. Là, alors, quand t'as complété et t'avais à apprendre, que... moi, je pense que Suzuki, là, il va en surprendre plusieurs. Moi, c'est un gars que j'ai aimé junior, ça, je l'aime encore. C'est un doigtier. Il est bon avec la rondelle. Il était capable de jouer. Capable de jouer au centre. D'après moi, le Canadien avec ces deux gars-là, on t'en voit plus. Ça va être deux bons centres, là, éventuellement. Là. Je parlais avec Alain Chénier cette semaine, ce matin, qui lance sa biographie aujourd'hui. Puis la même affaire. Il disait que les deux derniers repêchages canadiens ont été excellents. Là. Excellent. Oh oui, il a essayé qu'à développer. Puis je pense qu'avec Joël, le party est fini à Laval. Moi, je pense que c'est... Ouais, mais en même temps, ça y prend des joueurs. Tu sais, dans la Ligue américaine, qu'on dit, moi, je dis pas ça parce que j'ai joué dans l'Américaine, j'ai coaché dans l'Américaine. Dans la Ligue américaine, à un moment donné, les équipes qui gagnent à la fin de la saison, c'est les équipes que leur équipe en haut est éliminée. C'est que là, ils envoient des joueurs en bas, puis là, les gars ont une meilleure équipe. Alors, dans l'année, si tu veux, j'écoutais les commentaires l'année passée, puis l'autre année, puis on chiolait, on gagne pas une équipe d'Américaine. Regarde, tu gagnes pas parce que tes joueurs qui devraient être dans la Ligue américaine sont dans la Ligue nationale. Ouais, mais dans le cas de Laval, les dernières années, il y avait même pas de joueurs. Il y avait même pas. Tu sais, c'était pourri à l'os. C'est ça. Ils ont été cherchés. Non, mais ils ont signé quelques-uns. Ouais. Là, ils ont des joueurs, ils ont quelques joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Mais en même temps, je connais quelqu'un là, que je nommerais pas, qui est dans une autre organisation, qui a joué dans l'Américaine. Je parlais à son grand-père, avec qui je jouais au golf dans le temps. Puis son père aussi, ce gars-là, je jouais au golf avec. Puis il me comptait des affaires dans la Ligue américaine à propos de cette équipe-là. Ça n'a pas de bon sens, les gars sont sur le party. Tu sais, il faut faire attention. Hein. La Ligue américaine, là, quand tu t'en vas là, c'est beau de tirer les cordeaux puis de pousser, puis ça dépend de ce que tu veux faire comme coach. Moi, tu sais, c'est Lefebvre qui était là dans la Ligue américaine. Ouais, c'est Lefebvre, il n'y a jamais eu de club, là, tu sais. Puis il y a un de mes chums qui me disait, il n'y a jamais rien gagné, puis il n'y avait rien non plus, il n'y avait pas de joueur, il n'y avait pas de club. Ouais, mais tu voyais, je parlais avec Anthony Marcotte, qui était proche du Rocket de Laval, qui est le descripteur, puis il disait que les gars, le plan de match, ça manquait quelque chose, le sérieux manquait, puis tu sais, je pense que le party est fini avec Joël. Terminant, je veux te parler de Las Vegas, c'est pas mal le plus difficile, hein? Ouais, mais je te dirais, pour les avoir vus jouer, parce que moi, je me couche un peu plus tard, puis j'aime ça regarder des fins de match, là. Honnêtement, là, j'étais comme toi. Je te rappelle, l'année passée, on disait toutes les deux la même chose. L'année prochaine, ça sera pas facile, blablabla. Je vais te dire, bien honnêtement, ils m'impressionnent, là. Ah, ils sont durs à jouer, eux autres, me dire qu'ils arrêtent pas de pousser. Puis comme je te disais en début d'intervention, et qu'ils frappent, hein, ils sont physiques, ouais. Là, tu sais, ils sont physiques au bout. Puis, tu sais, quand tu donnes pas de but, Fleury, il donne pas de but. Là, à part, il a connu une couple de mauvais matchs cette année, ce qu'il avait pas eu l'an passé. Puis, ils ont embarqué Souban, ça a pas été fort. Je te dirais que ça va être plus dur que l'an passé, là. Parce que les équipes, tu sais, c'est qu'à un moment donné, là, les Canadiens jouent ce style-là un peu aussi. Puis, t'as les Rangers, présentement, qui jouent ça, Ottawa, Vegas. Le défenseur prend la rondelle, puis il attire à l'autre bout, il faut être le premier sur la rondelle. Mais à un moment donné, il faut que tu ralentisses le jeu. C'est pas toujours bon d'accélérer le jeu, là. Tu sais, il faut que tu fasses. Parce que plus tu accélères le jeu, quand tu fais des passes, tu sais, les stretch passes qu'ils appellent les longues passes, là. C'est qu'à un moment donné, tu donnes la rondelle quasiment à l'autre équipe si ton joueur n'est pas là le premier, là. Mm. T'es obligé de recommencer. Puis ça, Vegas, cette année, ça pointe beaucoup moins. Puis d'ailleurs, un gars comme Carlson, il ne scorera pas 45 buts cette année. Non. William Nelson, effectivement. Mais c'est encore le meilleur trio. Car il y a une chance qu'ils ont ce trio-là, Marchessault. Parce que Pacioretty ne marche pas. Parce que moi, j'avais dit, puis je l'ai dans mon pot, mais ça, je suis pas inquiet, parce que Pacio, c'est l'histoire de sa carrière, c'est qu'il est un gars qui marche par séquence. Fait que... Ah non, c'est un gars qui va, dans un stretch de 10 games, va scorer 12 buts. Là, puis après ça, il va être 10 games sans scorer. Ouais. Puis en même temps, ben, il n'est pas chanceux. Son joueur de centre, qui n'était pas le Stachny, est blessé. Ça aide pas beaucoup. Là, parce qu'au centre, ça, c'est pas... Ils ont Eakin qui est au centre, qui n'est pas fort, Carpenter. Fait que là, tu sais, il se ramasse Pacioretty, il reste plus grand-chose. Oui, effectivement. Joe, on se reparle dans une couple de semaines. Ben, j'attends ton appel, mon jeune homme. Notre collaborateur, Joe Arthur.